je peux favoriser l'insertion du camion en me plaçant dans la voie du milieu. Oui. Réponse A. Non. Réponse B.